Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Fable 17 des Fables de la Fontaine, livre 6e. Enregistré pour LibriVox.org par Nicolas Beck. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Aux chiens dont parle Ésope, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps. Fin de la fable 17, le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Cet enregistrement fait partie du domaine public.